Le groupe de protestation des jeunes coréens au Japon a livré du 1er au 8 décembre partout à Tokyo les activités de propagande à bord de camionnettes en signe de soutien à la lutte du peuple sud-coréen pour la démission immédiate de Bakounine.